Ces panneaux m'informent que l'autoroute va bifurquer à 1000 mètres. La 40 continue vers Lyon et la 39 vers Strasbourg. La vitesse des poids lourds sur autoroute ne peut pas excéder 90 km/h. Que j'aille à Lyon ou à Strasbourg, je peux dépasser ce camion. En effet, si je roule à 130 km/h, je parcours plus d'un kilomètre en 30 secondes, alors que dans le même temps, le camion, à 90 km/h, ne parcourra que 750 mètres. Réponse A et C.